On the Rocks, c'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un mettre tout à fond, qu'est-ce que vous faites chier avec ces mots merdes? Tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! On the rocks. Rock and roll. Oh, j'ai une pêche, les gars. Woo! Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est Manu de On the Rocks, comme tous les lundis soirs de 19h30 à 21h30 sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel, sur ontherocks.net et en rediffusion sur ZEF à Blois. Alors ce soir dans The Rock, c'est pas compliqué, il va y avoir beaucoup de nouveautés et beaucoup de groupes inconnus, je vous l'avoue de moi-même, avant de préparer cette émission, je les connaissais pas. Et puis j'ai découvert des choses bien sympas qui ont que quelques semaines ou quelques jours et qui sont voilà des morceaux tout frais, des morceaux qu'on entend nulle part ailleurs, ça va être ça ce soir dans The Rock. Mais deux coups de cœur ce soir, en tout cas les deux premiers morceaux qui vont être un double coup de cœur. Eh bien ce sont des groupes qu'on connaît bien dans The Rock, c'est que vous connaissez bien si vous êtes des auditeurs fidèles dans The Rock. Yeah, give me some. Le premier groupe va sortir son album dans quelques jours et franchement je l'attends avec impatience. J'attends toujours ces albums avec impatience à ce groupe et tout simplement parce que en 27 ans d'émission j'ai un rapport un peu particulier. D'abord je les ai interviewés trois fois, je les ai rencontrés trois fois à trois moments de leur carrière assez stratégique, le succès, le désamour un peu des auditeurs, et, enfin pas des amours mais en tout cas ça se vendait un peu moins, et puis à nouveau le succès. Eh bien ils reviennent, ils sont américains, ils sont trois, ils sont pour deux tiers d'entre eux totalement francophones. C'est les Nada Surf, le cheveu est un peu grisonnant, la voix est toujours aussi juvénile et la filiation avec Teenage Fan Club n'a jamais été aussi évidente. L'album donc sort dans quelques jours. Le single qu'on va se passer maintenant s'appelle So Much Love. Alors ils en ont fait beaucoup, un peu comme les Beatles, des morceaux avec Love dedans, les Nada Surf. Voilà, ils avaient commencé sur une espèce de malentendu. On pensait que c'était un groupe un peu dans le mouvement grunge, un peu dans la lignée de Nirvana. Bah pas du tout, c'est vraiment un album de pop, de power pop et de rock mélodique, vraiment à la Teenage Fan Club. Ils ont un peu le même parcours musical d'ailleurs. Voici donc le dernier Nada Surf qui vient de sortir il y a quelques jours. Ça s'appelle So Much Love. Et si vous aimiez les disques précédents de Nada Surf, vous aimerez celui-là. Can't find the thread and state of the world must have ripped my mind. So much love. Right. disais que 2020 commençait bien musicalement. Hein, musicalement, hein, faut pas écouter les infos, mais musicalement, 2020 commence très très bien. D'abord, le coup de cœur ce soir, c'était Nada Surf avec So Much Love. Et puis à l'instant, c'était Les Petits Plats dans les Grands, c'était Pearl Jam. Ça sera pas tiré du prochain album. C'est un morceau qu'ils ont sorti au mois de décembre en cadeau de Noël aux fans. D'habitude, ils sortent des singles de Noël un peu par-dessus la jambe, un peu des petites reprises rigolotes. Là aussi, c'est une reprise. Les plus avertis d'entre vous auront reconnu le morceau des Who, Love Rain Over Me, qui date de 1973 de l'album Quadrophenia, mais ils le magnifient vraiment. Et puis surtout, bah voilà, on pouvait craindre un album à venir de Pearl Jam un peu, voilà, peut-être en demi-teinte, peut-être où ils jouent un peu pépère et ils se la jouent un peu tranquille. Eh bien là, c'est vraiment Les Petits Plats dans les Grands, comme je disais, puisque Eddie Vedder, en sortant d'une tournée acoustique de plusieurs années de ukulélé, on pourrait croire aussi qu'il chante un peu moins bien. Je sais pas si ça vous le fait. Moi, ça me l'a fait à chaque fois que je leur écoute ce morceau. Des poils au garde à vous, surtout quand il monte et que sa voix hurle. Il le fait encore très très bien. Peut-être qu'il l'a jamais aussi bien fait. Puis derrière, les guitares de Stone Gossard et de Mike McCready avec les violons derrière, bah tout ça, ça vous fait décoller de 10 cm. Alors espérons que l'album de Pearl Jam qui va sortir en 2020 et que le concert qu'ils donneront en juillet 2019, en 19 juillet 2020, pardon, à Paris sera de cette intensité, mais en tout cas c'est vraiment vraiment de bon augure. Et puis il y a un autre concert en allant moins loin, en attendant moins longtemps, ce sera à Blois, ce sera samedi prochain à la Maison de Bégon. Il y aura un concert avec une triple affiche, et merci beaucoup à Christophe et la Rock Set List et Rock Set d'avoir organisé ce concert. Malheureusement je n'y serai pas, mais alors franchement, quand j'entends les groupes qui y seront, ça me fait largement regretter. Alors j'en connaissais un d'entre eux, c'est Glise, on va se passer juste après. Mais pour l'instant, deux autres groupes, deux autres artistes, en tout cas, qui seront en concert ce samedi 18 janvier à la Maison de Bégon à Blois. On va se passer Vigor Hugo, c'est malin ça comme nom, Vigor Hugo avec Ain't Nobody. Et puis juste avant, eh bien tout de suite, à l'instant, ça va être Johnny Mafia avec Big Brawl. Ces deux groupes seront en concert. Donc, samedi soir prochain à Blois, ce n'est pas si loin et c'est si bien. Everybody gonna bring me down to the tear time. C'était Vigor Hugo avec Ain't Nobody et juste avant c'était Johnny Mafia avec Big Brawl, deux groupes qui passeront donc samedi soir à Blois. Et puis la tête d'affiche, je pense que ce sera la tête d'affiche, ce sera Glize, un groupe qu'on s'est déjà diffusé, groupe français, trio, pas de guitare mais alors un feeling incroyable. On va se repasser un morceau de l'album qu'on s'était déjà pas mal visité dans On The Rocks. Ça s'appelle donc King From Nowhere, ça s'appelle Glize, G-L-I-Z, et c'est vraiment vraiment très bien et c'est en concert également à Blois ce samedi. Just wanna hear you cry, all of you scream, calling your mother all day long. I just wanna see you tremble, wanna hear the boom boom, wanna hear you knocking, waiting for me. See your fingers ready to touch you. Vous connaissez ce morceau, mais si vous connaissez les Sacred Fever, vous connaissez ce morceau, c'est un de leurs vieux morceaux, mais alors là ils le reprennent d'une façon assez magistrale avec cette intro, un petit peu cool, un petit peu tranquille. Vraiment, ils sont en pleine maîtrise de leurs moyens, les Sacred Fever. On attend l'album avec impatience. Et puis le guitariste, compositeur, arrangeur, etc., producteur, voilà, tatillon, hein. Et Dadillon quand même, hein, comme gars. Sylvain Trémaux donc sera dans les studios au mois de février pour nous en parler, mais surtout pour nous faire une petite battle de morceaux comme il aime à en faire ici même. Et juste avant, c'était Glees avec King from Nowhere. Et ben à partir de maintenant, dans The Rock, ça a une ou deux exceptions près. Je vais diffuser des artistes et des groupes que je n'ai jamais diffusés dans l'émission, que je ne connaissais pas il y a encore un mois. Et ben voilà, il y a toute une avalanche de nouveautés qui viennent d'arriver et qui sont franchement recommandables. On va aller du plus velu au plus tranquille, comme d'habitude, comme souvent dans The Rocks, comme voilà, une sorte de main, je vous emmène au lit un petit peu, mais là pour l'instant, c'est plutôt un petit peu hop, allez hop, je sais pas, on met la table ou on débarrasse la table, je sais pas, mais en tout cas, un petit peu de mouvement, ça s'appelle Hot Snake, c'est le morceau, c'est Checkmate, vous êtes dans The Rocks et vous avez bien raison. We'll be right back. D'abord Hot Snakes dans On The Rocks avec Checkmate, et à l'instant c'était On Video avec Clap Trap, morceau assez addictif aussi pour l'avoir écouté 4-5 fois cette semaine. Et ben voilà, ça, au début on tapote du pied, première écoute, et puis là on fait des petits tourbillons quand même, hein, à l'écoute de ce morceau. C'était donc On Video avec Clap Trap. On continue dans les nouveautés à peu près inconnues mais à peu près géniales. Voici King Nun avec Mascara Runs. Just look, the innocent ones pay their apple trees, and how the innocent ones always make me cry, cry for mum, cry for dad, cry for son. You are plein de groupes nouveaux. Je vous l'avais dit, je vous avais prévenu ce soir dans On The Rocks. Et bah, ça continue. Vous pourrez avoir la liste de ces groupes et des morceaux sur le site ontherocks.net. Vous allez dans l'onglet émissions récentes. Alors pas tout de suite, mais d'ici ce soir ou demain, eh bien, vous aurez, ou peut-être mercredi, allez au pire, vous aurez toute l'émission à réécouter et puis la liste des morceaux dans la playlist et bah, vous trouverez également, donc, ce morceau qu'on va se passer maintenant, un morceau d'un groupe qui s'appelle Ruby Bones. J'en sais pas beaucoup plus, hein, je vous le dis, j'en sais pas beaucoup plus, mais là aussi, ça fait du bien par où ça passe. Le morceau s'appelle Rooftops. Somewhere dark again. But where? À l'instant, donc, c'était encore une nouveauté avec Roof, Short Pig. J'ai dit n'importe quoi tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah non, j'ai bien dit ça. Ruby Bones avec Rooftop. C'est à l'instant, c'était Short Story Picture Book. C'est le nom du groupe avec The Eyes of the Sleep Deprived. Attention, le morceau suivant est un peu rock'n'roll. Je préviens pour les gens qui sont un peu vieux ou un peu vieilles, qui viennent de fêter leur anniversaire, qui ont des dents un peu fragiles, qui risquent de tomber. Il va peut-être un peu falloir s'éloigner. Voici Dizzy Disraes avec Year of the Dog. Je vous aurais prévenu. Encore une nouveauté dans The Rock ce soir, c'était The Rare Occasions avec Control. Et juste avant, c'était peut-être le morceau le plus velu de la soirée, Dizzy Disraise. Voilà, là, ça réveille un peu les morts. Ça réveille aussi un peu les vieux. Puisqu'on parle de vieux, c'est le moment des petits messages personnels. Ne trouvez-vous pas que sa bouche est la plus jolie? Ne trouvez-vous pas que ses yeux sont les plus beaux? Ne trouvez-vous pas que ses bougies sur le gâteau sont les plus pesantes? Bon anniversaire. Évidemment, les Beatles tirés de l'album blanc, c'était de circonstance aujourd'hui. Et reprenons un peu la route des nouveautés dans The Rocks avec une... Ah, il n'y a pas eu beaucoup de filles depuis le début de l'émission, c'est vrai, j'avoue. Il y en aura un peu plus vers la fin. Voici donc Kate Davis avec le morceau Daisy. I'm trying to think about dreams I've had, happy or sad or the middle. Sometimes about you, with or without you, still leave me. You won't hold my hand anymore. Do you want my God? I just wanna go somewhere without you. What do you want, my God? I just wanna love someone who's not you. But here we are, living it up in Wellsville, New York. And I can't tell if this is hell or if I'm just bored. You say let's settle down. So restless laying in your garage. I dream till the sun comes up. I wonder how it looks when it shines over Taiwan. But here we are, where we grew up in Wellsville, New York. And that would be fine, but the back of my mind is life is too short. Ça revient au début. Voilà, ça revient au début. Hein. C'est un jour sans fin. Kate Davis que vous entendez maintenant. Vous l'avez déjà entendu avec le morceau Daisy. Et juste après, c'était The Wrecks avec Fuck Somebody que nous ne traduirons pas. Il y aura des concerts qui vont arriver à l'Astrolabe et qui vont être vraiment pas mal, à mon avis. On s'est passé un morceau de Temples la semaine dernière avec Mathieu Dufaux qui était là dans les studios et qui nous décortiquait cette programmation de l'Astrolabe. Eh bien, on va se repasser non seulement les Temples, mais le même morceau que la semaine dernière. Et ben voilà, paf! Pourtant, j'ai tout l'album, mais ce morceau-là, je crois que c'est mon préféré avec Your Hazer on Something. Et puis juste après, les Belges de Balthazar avec le morceau fantastique Fever. Voilà, morceau assez miraculeux, assez long, mais assez miraculeux. Peut-être une interview de Balthazar filmée confirmé par l'Astrolabe réalisé par votre serviteur. On est en train de mettre ça sur pied. J'attends des nouvelles de Romain pour peaufiner mes petites questions en anglais, hein, parce que c'est les Belges du côté, voilà, les Flamands, donc ça parle anglais. Alors que je bosse un petit peu. Temples, your Azer on something. Et puis juste après, Balthazar avec Fever. Et juste après... comes easy to you, comes easy to you, just like I do too. Your money was all that I knew. Great, another rich kid talking the charts. But then I heard it and it hit the softest spot in my heart. Cause it comes easy to, comes easy to you, just like I do too. Yeah. Thank you. On a eu plein de belles choses. On a eu plein de belles choses dans The Rocks, franchement. Franchement, c'était plutôt pas mal. Il y a d'abord eu Temples avec Your Eyes on Something, qu'ils seront en concert à l'Astrolabe. Ensuite, Balthazar avec le morceau Fever. Peut-être interview dans The Rock, j'espère. Il sera en concert le 22 janvier à l'Astrolabe d'Orléans. Et puis lui aussi sera en concert à l'Astrolabe le 20 mars. Non, non, c'est pas Brett Sinclair, c'est pas Danny Wilde, mais c'est celui qui a fait cette reprise d'Amicalement Vôtre. Et oui, parce que c'est pas la version originale, c'est la reprise de Baz Baz qui sera donc en concert le 20/03. Il a fait toute une série comme ça de reprises de génériques. Vraiment sympa, je vous conseille d'aller voir Baz Baz en concert. C'est toujours un grand moment. Et puis vous pouvez réécouter son interview sur le site On The Rocks, ontherocks.net, avec une interview un peu fumée, mais un peu sympathique. Maintenant, encore une nouveauté, Al3DB dans The Rocks. Al3DB avec It's a Cloudy Day in San Francisco. Super morceau, vraiment, c'est un de mes préférés de la semaine. Al3DB, bah, ça s'écrit un peu comme Miss B, et Miss B, ça s'écrit B2E. I am so down right now. believe, I believe in the pain, man. Yeah, I believe it's the way to find peace again. Turn my song of loud, I gotta sing it like I am proud to be alive. But I'm so down right now, I am so down right now. And I believe in the pain, man. Yeah, I believe it's the way to find love. It's the way to find me again. Faussement joué mais véritablement désespéré, c'était le morceau de Mother Mother avec So Down, avec cette voix écorchée à la fin, très bon morceau. Et puis juste avant c'était Altry DB avec It's a Cloudy Day in San Francisco. Vous êtes toujours dans The Rocks et ça va être le moment de calmer un peu le jeu, peut-être de passer à table si vous voulez bien vous donner le loisir de passer à table, d'allumer les chandelles. Et on va retrouver la douce voix de Simon. Voilà un artiste qu'on s'était déjà diffusé dans The Rocks. Je suis heureux de le retrouver. On va essayer de se choper l'album et de se le visiter. Et bien, il revient en forme avec un morceau qui s'appelle Symmetry. Simon, ça s'écrit S-Y-M-L. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Et ça, en tout cas, c'est une nouveauté. Et j'espère que ça va vous plaire. Come now, child, the day is long. Hide not yourself from me. Angels sing the final song. Silence will turn to sleep. Take heed, my sons. The darkness will come. Black holes will bend the proudest one. And change of your symmetry. Just as the night swallows the sun, I know you'll come for me. pressed now, child, the day is done. The dark comes for everything. Inside the heart of everyone, there lives infinity. Baby, excusing lately. If only I could know why time's so fast. If only I could go back through the past. I'd build a time machine. Qui nous donne envie de gambader dans Piccadilly Circus, c'était Raid Milk avec Time Machine, et juste avant c'était Simul avec Symmetry. On va vraiment changer d'ambiance avec quelqu'un que j'adore et que je suppose vous adorez aussi. Elle avait fait trois albums magnifiques, et puis elle a un album un peu expérimental, et puis elle revient avec ce morceau qui s'appelle Island of Doom. Et comme d'habitude, eh ben c'est une espèce de chaleur sous la glace. C'est Agnès Obel qui revient avec sa voix, son piano et ses mélodies célestes. C'est elle qui fait toutes les voix graves, les voix aiguës, les voix un peu bizarres. On a l'impression que c'est juste limpide, simple, un peu comme du Enya. Et puis ben non, c'est un peu plus profond et un peu plus barré sous la surface, bien lisse et bien gelé. Voilà, ça nous donne envie plutôt d'aller se balader en Norvège. Voici Agnès Obel avec Island of Doom. Et ça, c'est pour l'abeille. Sobel, on connaît, pas de surprise, et c'est toujours aussi beau. Mais par contre, ça, je ne connaissais pas, et ça donne vraiment envie d'aller fouiller. Ça s'appelle Saint Savior, à l'instant, The Place I Want to Be. Et juste avant, donc, Agnès Sobel, en avant-première de son nouvel album, qui va pas tarder à sortir, Island of Doom. On va continuer dans cette ambiance plutôt relax, pour finir l'émission On The Rock ce soir. On en a encore quand même pour une bonne 25e de minute, 23e de minute. Mais on va continuer avec French for Rabbits, avec leur nouveau morceau qui s'appelle Middle of the House. Et vous allez voir que c'est quand même toujours assez tranquille. The house where you grew up, your mother yelled at me. Even though I barely knew her, she had grown you from a seed. Is melting my fears and angst away. The night might be coming, still hoping for a while driving endlessly out of my highway. Mon gros coup de cœur de la fin 2019, c'est ce duo, grande duo de Tours, hein, qu'on a découvert à Hop Hop Hop. J'espère qu'ils viendront dans les studios ici, dans The Rock. Je ne désespère pas, ils avaient l'air emballés, et puis depuis, bah, plus de nouvelles, mais bon, j'espère qu'ils vont venir. En tout cas, pas d'album pour l'instant, mais un EP absolument magnifique avec la voix de Gabriel, et puis le violon derrière. C'était grande, donc, avec le morceau Highway, et puis juste avant, c'était French for Rabbits avec Middle of the House. Voici un groupe qui a un gros succès en Angleterre il y a quelques années, avec, je crois qu'ils avaient repris le morceau Sympathy, je crois que c'était eux. Voilà, groupe de rock sans guitare à l'époque, un peu, voilà, un peu. C'est pas mon groupe préféré du monde, hein. C'est un petit peu. Comment dire? Je vais pas dire de la soupe, ce serait vraiment méchant parce que c'est un groupe plutôt sympa. Mais enfin voilà, ça lorgne du côté, c'est plus proche de Robbie Williams que des Stooges. Si vous voulez, voici donc Keane avec leur nouveau, enfin, je vous l'ai bien vendu, dis donc. Keane avec un morceau très bien. Je retire tout ce que j'ai dit. Un morceau très bien qui s'appelle Strange Room. Et encore une fois, vous êtes dans la douceur. Set on the piano by the open window, your arm around my shoulder, one song after another, a church to praise the good times and shelter from the bad times. And when our run came to an end, felt like I'd lost my best friend. For a moment I was dreaming we were just beginning. Finally I've come home. Finally I've come home. Officer, let me explain. Something I love today. Yeah, I know what it looks like. A rich kid with a good life. Now I know you're too young to have done things you can't. just a passenger's name. Though you're free or behind, it was always a battle to arrive at the station alive, with all the bags to unpack, all the plans for the future to protect. Because we've come to expect the trains on time. A cloud is seen, and we're out of the gate. Not a flash of the lane, wearing long sleeves to hide the mark of Cain. Got it when I was young, half eternal, half sun. Play a sour note long enough, dans The Rock, c'était les nouveaux pornographes, The New Pornographers avec Higher Dreams, Higher Beams, pardon, et puis juste avant c'était Keane avec Strange Room. Allez, pour terminer l'émission ce soir, vraiment là, je vais essayer de vous envelopper d'une grande douceur, si j'y parviens. On va se passer un extrait du dernier album de Shannon Wright qui s'appelle Providence. L'album est fabuleux, très très beau, pas très sautillant, mais très beau. Piano, voix sur l'intégralité de l'album. Et puis il y a un morceau qui donne le nom à l'album, qui s'appelle Providence, qui est entièrement instrumental, et on voit qu'elle a beaucoup écouté Eric Satie pour composer cet album. La preuve en son, non pas en image, avec ce morceau, donc Providence de Shannon Wright, 5 minutes suspendu. Et puis si on a le temps, enchaîné avec un extrait du dernier album des Tindersticks, No Treasure But Hope, qui eux aussi seront en concert à l'Astrolabe dans peu de temps. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, comme d'habitude, lundi soir, 19h30, 21h30, sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel, sur ontherocks.net, en rediffusion le jeudi à Blois sur ZEF, et puis quand vous voulez sur le site d'On The Rocks. Bye bye, bonne nuit, où que vous soyez. Thank you. treasure but whole. No treasure. The end of a road. No pressure. No treasure but hope. No love on our street. Only fear in our hearts.